mwana nanga Eregola Mama burko yesi sakinda te Ni kaboronina Oli mwenyonga kaboyo Oui Histoire ya mwana Neti filme ya alendelo Ignace Kaniki Ou la fermer l'enfant du film Misha Lutumba Fogi Toro Petrolier Macho lingai Bawolo lingai Kianga na yoshame Ekoza la abumpia Utamote la butu mobima makolo ngulu Je vis la maison qui abrite l'amour Tok tok erite pungole na nana kona kota Nga baye babenga ninge baya loka Janice Gram Aristote Masamba Na tewe na nifuna na nga na maboko Retour au village na bande li liga bloyo Yamu Le vieux Scrum Awele Le père Yamu Erite Fils Kaska Songo Yamu Erite ka Cardozo mwamba wanke na uzieble Fifinte mana animase Mwana potu ya kala Marque de la fête salaka 666 Coup de filo ya we salaka jeremi 33 Kata 86 amour na fête timibre maeroni Claudine Tezo Et papa scrame salaka 0033 Coup de filo ya we 00 nonete Waterloo mukonza ikali Christelle Kubali Didier Nzongo La sali voyage au sol la kena mone panna mio La boutani na sabolo valo bio sati Dieu le père Tu ke la na soli Seri tia sovera haï Chirigola Papa Disqua Cédric Lutumba Nio Na tumbi esta na sala representation na yo Incarnation na yo e boko apparaître Yo lo kona na Pitié, pitié, pitié, oh Trésor Mbombo La cotine temple la pelisse va bouger rouge L'esprit va l'obé dans la nappe pour la jolie soie Posonne la main Yobo, yobo, yobo, ino héritier Jacques Chamba Papi Boto Marie Monte, pardon Jeune Nord Mette la balle magique Kaluka bolingo nanga direse ke kuna Presta la dia kale Ata bibola na ye Andire esa komplisi angona senyo seku Claude Maluma Meme chite Shere so bibule liko lua kusanga kwe pa Konyo sila nzotoe Joka Sanji Shere te kinzoto liko lua kusanga Idolojia komyo beba kakae Mbubia la maimbi Nasonga na ngabwala na luka na ngawe ati mate papete akiri misogao Charlie Mboshana Paka chuma yeye paka chume Nani ambapo sana lenga maya paka chuma Nani ambapo sana lenga rite na paka chuma Nani ambapo sana lenga sana paka chuma Maluma Beti Philippe Mbonga Adolunga Chéraka binzo deliko luoko sanga kuyepa komyo mifanti nae Nake na bene na moni bavodu balobio sate Ingira la brésilienne Na moni ba magicien basali nyosoe Posa etu vableo Noguera Jean Sinto Manuela Nake na famaso basali nyoso Poso muna nate Nanzumwa ba marabu Ba tourne mil kwae Poso muna nate Ira kalima mama na kirene Na chepa ze solid Na frontere motema Usu se zubir se u Arnold Matikiba solid Tikune ya ba masa balatisa Sheri maska vieyes Poa muna nate Paul Luemba Na songa na nga wala Na luka na nga uya timate Papete akili misoga u Diedi benga 5 ans de silence Le conseiller Salomo Escadela. Aha. Salvador Maya. Depuis mera comment on a fait 1200 ou 1200 salata?